Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Le prophète Isaïe a écrit des centaines d'années avant la venue de Jésus. Et en même temps, déjà, il proclamait, il prophétisait à Jérusalem de se lever, de se relever, de quitter sa tristesse de ses dévastations, de ses péchés, de ses déportations aussi, et de se réjouir du retour du Seigneur vers elle. Cette joie qui est annoncée à Jérusalem, elle s'est accomplie vraiment lors de la venue de Jésus. Jésus est vraiment le Christ, lumière du monde, venu pour illuminer toutes les nations. Les mages, donc ces hommes un peu, ces chercheurs de vérité, de sagesse des différentes nations, ont vu une étoile se lever, se sont mis en route et sont allés voir le palais d'Hérode, au palais d'Hérode, au palais du roi civil, pensant trouver là l'enfant. Et finalement, ils se sont aperçus que ce roi qu'ils cherchaient n'avait pas choisi de naître dans un palais. Il a choisi de naître dans une crèche. Quel est donc ce roi qu'ils cherchent? Ce roi étonnant n'est pas roi à la manière du monde, mais c'est un roi d'humilité et qui pourtant porte dans sa petitesse une vraie lumière pour le monde, une vraie grâce pour l'humanité. Finalement, le texte dit qu'il revoit l'étoile qui s'arrête au-dessus de l'endroit où étaient l'enfant et sa mère. Et ils se réjouirent à la vue de l'étoile, ils se réjouirent à la vue de l'enfant. Et ils offrirent à cet enfant les trois présents, donc vous les connaissez, l'or, l'encens, la myrrhe. Ces trois présents ont une signification. Souvent, l'or réfère à la royauté de Jésus, l'encens à sa divinité. C'est pas juste un petit enfant, c'est le Fils de Dieu. Et la myrrhe, on dit que la myrrhe prophétisait la mort, sa mort qu'il aurait sans embaumement parce qu'il est mort rapidement, persécuté le jour du sabbat, sans même qu'on ait eu le temps de l'embaumer. Donc déjà à sa naissance, il y avait ces trois prophéties que cet enfant est le Christ, roi, qu'il est Dieu et qu'il vient pour donner sa vie par amour pour nous. Les mages sont des chercheurs de Dieu qui nous invitent par leur attitude à nous-mêmes chercher Dieu. L'Église, les pères de l'Église ont rapidement vu dans ces mages la figure des diverses nations païennes et l'accomplissement aussi de la prophétie faite à Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Eh bien, en la personne de ces mages, mais aussi vous et moi, nous faisons partie de ces nations diverses qui sont venues à la crèche et qui avons cru et qui sommes, comme fils d'Abraham, des croyants, des gens qui recevons la grâce de Dieu par la foi. Donc s'accomplit à travers les mages, mais aussi pour nous, cette prophétie faite à Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Alors le texte que j'ai lu du prophète Isaïe disait « Debout, Jérusalem resplendit ». Mais est-ce que cet appel du prophète est seulement pour Jérusalem? Eh bien non. Cette parole, elle est pour nous et pour vous et pour moi ce soir, pour notre ville, pour notre Église. Et ce soir, le Seigneur dit Église de Dieu, debout et resplendis ce soir. Le Seigneur dit à notre Église à Québec, Église de Québec, debout et resplendis. Elle est venue sur toi, ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Debout, resplendis. Le Seigneur, l'Église, c'est qui en fait? C'était une vraie question. Alors je la répète pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, qui avaient déjà commencé à dormir. L'Église, c'est qui? C'est vous et c'est moi, c'est nous. Hein? Saint Pierre dit dans sa lettre, « Vous êtes les pierres vivantes de l'édifice spirituel. » Et cette pierre, il y a une pierre angulaire à cet édifice spirituel et c'est le Christ. Mais nous sommes tous les uns et les autres les pierres vivantes de cette Église. Et si Dieu dit à son Église, « Debout, resplendis », il te le dit à toi ce soir, « Debout, resplendis ». Daniel, « Debout, resplendis ». Marie-Josée, « Debout, resplendis ». François, « Debout, resplendis ». Dorian, « Debout, resplendis ». Il vous le dit à chacun, chacune, ce soir. Émilie, « Debout, resplendis ». Qu'est-ce à dire? Comment on fait pour resplendir? On va-tu se mettre une lampe frontale sur la tête? Comment faire pour resplendir de la lumière du Christ? Eh bien, pour resplendir de la lumière du Christ, il faut recevoir cette lumière du Christ. La semaine passée, vous saviez, on est parti avec quelques gars en traversée sauvage dans la vallée du Bras du Nord. Et les deux dernières journées, il y avait une lumière magnifique. Il faisait froid, mais il y avait une lumière magnifique. Et sur le top des montagnes, il y avait une neige, mais abondante, blanche, immaculée. C'est comme si Dieu avait revêtu la terre, hein, les arbres, qui sont habituellement bruns, verts, le sol qui est plutôt brun, plutôt terne, eh bien c'est comme si le Seigneur, par la neige, avait revêtu de tout ça d'une grâce lumineuse, resplendissante. La nature était resplendissante de la gloire de Dieu, d'une certaine façon. Eh bien si moi je me dis, ouais, mais ma vie est un peu terne, un peu verte, un peu brune, pas de panique, appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Demande à Dieu de mettre une bonne bordée de neige sur tout ce que tu vis, que tu portes, que sa grâce te rende resplendissant. Parce que oui, resplendir de Dieu, c'est resplendir de sa grâce, c'est resplendir de quelque chose de gratis, donné par Dieu pour moi. Peu importe mon histoire, peu importe mon péché. Vous savez, si Dieu vous appelle à resplendir, c'est qu'en fait, oui, au mage, il a donné une étoile physique pour se déplacer et pour le trouver, mais par la suite, l'étoile que Dieu a donnée, que Jésus a choisie pour conduire les gens jusqu'à lui, c'est l'Église. L'Église est appelée à être un reflet de la lumière de Dieu. Mais encore une fois, l'Église, c'est rien de théorique, c'est chacune des personnes, c'est les saints. Mais les saints du passé sont des vraies étoiles, mais les saints d'aujourd'hui, vous et moi, qui avez reçu l'Esprit-Saint au baptême, vous êtes appelés à être ceux qui allaient attirer les mages de notre temps. Où sont les mages de notre temps? Eh bien, ils sont assis avec vous dans les classes. Demain recommence les facultés. Eh bien, il y a des mages assis dans vos facultés de philo, dans vos facultés de littérature, dans vos facultés de médecine, de sciences et génie, etc. Il y a des gens qui cherchent la vérité parmi ceux-là. Il y a des gens qui cherchent Dieu, qui ont soif d'amour et d'amour vrai. Est-ce qu'ils sauront rencontrer des étoiles sur leur route? Est-ce qu'ils sauront rencontrer des gens allumés qui rayonneront près d'eux de cette lumière du Christ? Ce soir, reprenons ensemble la décision de dire « Viens-t'en, Jésus, sois ma lumière, sois lumière dans ma vie, qui est trop souvent effectivement ténébreuse, mais ça ne dérange pas ta grâce, Seigneur, elle est capable de faire l'impossible, de me redonner une blancheur que je n'avais plus par le sacrement du pardon. » Le pape François, vous savez, a écrit de très beaux textes ces dernières années. Ces différentes façons de rayonner du Christ. Un des premiers écrits qu'il a écrit, hein, c'est la joie de l'Évangile. Eh bien, pour rayonner de Dieu, méditons la parole de Dieu, l'Évangile, mâchons cette parole qui est pleine de lumière, et plus on la mâche, elle clarifie notre esprit, cette vérité qu'on mâche, et elle nous rend lumineux de l'Évangile et de la joie qu'il y a dans l'Évangile. Dieu nous veut heureux, Dieu nous aime. Lorsqu'on mâche l'Évangile, on mâche cette belle vérité dont tous ont soif. Il y a au moins une personne qui m'aime sur cette terre. Il y a Dieu pour moi et pour toi et pour toi. Donc, première façon de rayonner de l'Évangile, justement, c'est de mâcher sa parole et de parler de sa parole, de la Bible, ce livre si lumineux. Deuxième façon, deuxième écrit aussi qu'a écrit notre pape François, plus récemment, c'est la joie de l'amour. La joie de l'amour, qui est un texte très beau sur l'amour humain, l'amour des familles, l'amour conjugal. L'amour est lumineux. Quelqu'un qui aime rayonne. On a juste à penser à Mère Teresa. Mais il n'y a pas juste Mère Teresa qui peut éclairer. J'ai des amis qui sont allés voir une famille du lac Saint-Jean et j'ai compris, et je la connais cette famille, je sais que c'est une famille qui rayonne la lumière de Dieu. Et parce qu'il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour dans une famille, ça rayonne, ça fait du bien. Tous ceux qui s'approchent disent « Ah, enfin une petite oasis ». Donc, vous pouvez dans vos familles être joie d'amour et rayonner en tant que famille ou en tant qu'amis, rayonner de la joie d'aimer par vos petits services que vous vous rendez ou que vous rendez au travail, à la maison, avec vos collègues, peu importe. Un troisième rayon de lumière que vous pouvez donner au monde, c'est choisir d'être juste. Dans un monde où il y a tellement de compromissions possibles, tellement faciles, eh bien, lorsqu'on choisit d'être juste, de rester cohérent avec ce que je porte, ce que je pense, de rester droit, honnête, forcément, ça rayonne, ça détonne de l'air ambiant. Donc, choisir d'entrer dans la joie d'être juste à chaque instant de ma vie, c'est une troisième façon de rayonner de la gloire de Dieu. Je vous en propose une quatrième, celle de demander à Dieu un cœur pur. Parce qu'un cœur pur rayonne de quelque chose de spécial. Je me souviens même d'un gars, il y a plusieurs années, on faisait une JMJ, puis il avait rencontré une super belle fille. Dans la JMJ, ça n'arrive jamais, ça. Mais il avait dit, elle est tellement belle. Mais il dit, elle est tellement pure. Il dit, j'ai même pas le goût de rien faire de pas correct avec. Elle est tellement pure. Elle rayonne tellement. Eh bien, je vous souhaite de rayonner de cette pureté. Cette pureté qui vient d'un cœur qui ne convoite pas, qui ne veut pas consommer, mais qui est plutôt plein d'amour, qui déborde. Et ceux qui se disent, ben moi, c'est trop tard. Mon cœur n'est pas très pur. Eh bien, je vous invite à désirer un cœur purifié. Parce que la grâce de Dieu peut purifier nos yeux. La grâce de Dieu peut purifier mon cœur. Et finalement, oui, une personne purifiée peut être aussi rayonnante qu'une personne, qu'un enfant qui a toujours été pur. Chers amis, je vous invite à rayonner peut-être de ces quatre rayons de lumière, la joie de l'Évangile, méditer et redonner, la joie de l'amour reçu de Dieu, mais redonné dans les services, la joie d'être juste en toutes circonstances, mais aussi la joie d'un cœur purifié. Oui, je vous redis ce que le prophète Isaïe nous adressait comme appel ce soir, cette semaine. Debout, resplendis, car le Seigneur ton Dieu a revêtu sa gloire, t'a revêtu de sa gloire. On va reprendre, si vous voulez, le refrain du chant d'entrée. On peut se lever en chantant ce beau chant, debout, resplendis. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.